Dog. Le rap ma vocation. C'est ok. On est tous des pions pour les chétans. On vit tous avec le haram. Ma vie est pleine de drames. Joue pas le macadam. Où tu vas te retrouver enchaîné dans les flammes. On est tous des pions pour les chétans. On vit tous avec le haram. Ma vie est pleine de drames. Joue pas le macadam. Où tu vas te retrouver enchaîné dans les flammes. Viens nous chercher. T'inquiète, on est toujours au paix. À ce stade-là, j'ai plus le temps de plaisanter. Écoute qui terre dans les lèvres, ça te dit hein. On n'a plus rien à perdre, on a toujours été en chair. Chaque jour j'aiguise mon flow. Chaque jour je croise que des idiots. Chaque jour je croise que des mecs accros à la coco. Dans cette vie, trop de mecs qui se la racontent. Trop de gens qui croient que la vie c'est un conte. Des faits, ça charbonne dans mon quartier. Trop de mecs sous effet de la CC. Faut arrêter de s'apitoyer sur votre sort. Allah nous a préparé plein de sorts. Les gars veulent pas qu'on s'en sort. Dans le rap, j'ai pas le droit à l'erreur. Sinon mon contrat saute. Attention, le chétal vient t'emmener au faux pas. Dans ma vie, j'ai trop croisé de corps. Billard, si il faut, je t'écarterai de mon chemin comme une boule de billard. La jatte S m'a bouffé, trop de gens m'ont déçu. À croire que ça les excite, de prendre ma bite et se la foule droit dans le cul. Mais je prends la vie et je la mange tout cru. Tout cru. Ok. On est tous des pions pour le chétan. On vit tous avec le haram. Ma vie est pleine de drames. Joue pas le macadam. Où tu vas te retrouver enchaîné dans les flammes. On est tous des pions pour le chétan. On vit tous avec le haram. Ma vie est pleine de drames. Joue pas le macadam. Où tu vas te retrouver enchaîné dans les flammes. Y'a des mecs qui balancent, et y'a des mecs qui balancent pas. Quand tu passes devant le commissaire, ne stresse pas. Quand ton père te met une droite, ne rebelle pas. Si t'es en poursuite, Roya, ne ralentis pas. Si toi te crois te vanter, ne te vante pas. Si t'aimes la hagra, tu vas brûler Roya. Dans ce monde, on est tous égaux. Dans ce pays, on doit tous être réglos. Si t'es vante, que t'as fait de la tôle. Mais on peut rien faire si t'es qu'une tapiole. Nique l'état, nous on vise le pactole. C'est top 2009, gros. Le rap ma vocation. Ok.